Oh yeah. Woo. Yeah. My flannel still I'm got that you and bomb. Oh yeah. MSV's the label. It's the label, man. Boy. Lux is family. That's it. Okay. Y'all ain't ready for this, man. Never. Crazy. Your bag is swag. Tankum, tankum. Your DC mo best of the best. Yeah, good can you wear? So yes, na class na kum. Bli e tout nesres. Pag in pies pies. MC ka fin bom testres. Son promes kum fin best best. Som cache tankum son process. Yeah, get tout profi. Oui, pour sa mofi. Demo se bofi. Même si pas Madonna. Rien s'il pas life. Même si légendaire tankum Magadona. Te de yap si genom. Tout si crap le si genom. Trois pas fait pour sa m'fait pour des bouches na terre. Avant si genom. Si genom. Yo, tout fait challenge, best lam, t'es grêle, même game, best lam, bien posé, y'a map de neck, même là, yo, pas d'un tease. Yo, mec, bon neck, bam, yo, gaga, j'ai d'un. Malheureusement, la balle, on saute en prix, à chercher l'eau. Chargez cash, chargez l'eau, oui, chargez l'eau, la balle, yo, baguie cash, chargez l'eau, pas qu'à des mots, on a balle, chargez swag, chargez l'eau, oui, chargez flow, la balle, on veut tout petit, chargez l'eau, malheureusement, on a balle, oui, chargez fresh, chargez l'eau, oui, chargez l'eau, la balle, yo, baguie cash, chargez l'eau. Back at the wall, on a balance. Chargez swag, chargez long. Chargez flow, la balance. On veut tout petit, chargez long. Malheureusement, on a balance. La balance. Mwen tou la palaw. Pake te pou l'veti, gwen ban negeti. Ba nan gab la blaw. Pan tan tan tan tan wap danse. Ma tan tan tan mou tap danse. Ba men mandel ki sal panse. Kon DJ toujou ki te sal panse. Sakranse, sakranse, sanse se yon ban fake. Nega, ye ou ka hate. Nega, but I'm getting cake. Nega, ma tan mou wek ki jan mwen ofisyel wou mateli. Da da da da sa top ki sheri mateli. Gri tan kou non no gri, tan kou toto. Ti tan kou boto, bes tan kou Jay-Z. Kou mi le kou logo, pa jan mwen. Pourquoi non pour bien dans mon chaisie. Tout dit bim yo a fait moi m'nex a yo gaga j'ai dans. Soit dans pipiti piti moins tout chargez dans. Chargez fresh, chargez bon. Nous chargez tout, la balance. Yo baguie cash, chargez bon. Pas qu'à ton mot, on a balance. Nous chargez swag, chargez bon. Nous chargez flow, la balance. Moins tout piti chargez bon. Malheureusement on a balance. Nous chargez fresh, chargez bon. Nous chargez tout, la balance. Yo baguie cash, chargez bon. Pas qu'à ton mot, on a balance. Nous chargez swag, chargez bon. Chargez flow, la balle, au moins tout petit, chargez l'eau, malheureusement, on a balle. Yo, des propos, t'en fous, bro, vous m'tons, j'suis non, big boss, une paix qu'on l'est là. Dis les belles là, qu'on crée, on accresse la jambe, yo, des volets, y'a m'donner le senti. Yes, nan gap gap gabare yo shita la bay lot bak chat nan men bonjou ya babage yo monte fom mwen play. Mou tan pa pren an kout petit. Me kwa man monte sex friend pa mfel foot pa po yon kout petit. Se mwen ki gap yo pa po kyo sa men bap jom gap an panik. Mwen kune nan chanson nan baka nan big bak fanatik. I got a stack that paper. So do emotion yo baby and just keep it for later. Crying, for later. Crying for you baby. All I do is fighting, fighting, fighting for you.